part of me. Without this evil side, my mind will be released of the pain. Take precautions, building a relationship with someone you see as a friend. I don't have it now. Can I process it?

the smile I love in the mornings. Now miles away, once we stray in the street. Hear the drizzle of the rain, windows creaking. Are the footsteps in the hall? Now I can't pass me. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie, fière complice de CKRL, depuis 15 ans. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. À CKRL avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. On a entendu un premier bloc musical. Il y avait le groupe Eloy de l'Allemagne tiré de Performance. C'est un album paru en 1983. Et Bruno me racontait qu'il écoutait ça quand il était au secondaire. Puis ça rappelle des souvenirs. Hein? On a souvent comme ça quand on a écouté de la musique à travers le temps, des repères qui nous raccrochent toujours quand on écoute ces musiques-là, on revoit ces images. Alors, juste avant, il y avait Overhead, c'était un groupe de la Finlande, c'était la pièce Asleep Part 2 ou Awake. Donc, c'était un album, c'était leur premier disque, donc à Overhead, Zoomantum. Et on avait débuté avec Mixomatosis de Montréal. On y va maintenant au deuxième bloc musical en Italie. Alors, avec trois groupes, trois super albums. Il Bacio de la Medusa, d'abord. C'est tout un défi de prononcer le titre de cet album. Di César Aginferi, Di Giovanni Amante. Ouh, on s'en sort. Et c'est. Donc, allons-y maintenant avec le titre de la pièce. Ricordi del Supplizio. On poursuivra avec La Maschera di Cera, tiré de Lux AD. Ça c'est vraiment un bel album. On revient à deux albums avant. Et avec la pièce Evolue Unsensual Impossibile. Non, Involuzione Rapide. Ah, voilà. C'est cette pièce. Donc, trois pièces de l'Italie. On y va tout de suite, donc, avec Il Bacio della Medusa. Thank you. dentro una realtà. Al buio delle tenebre non posso esistere così. Di certo non mi fermerò.

Thank you.

rise. Lay down your burden, don't stop at the gate. Begin the lost house to the kingdom of hate. There's only one eternal fate. Forget all the questions, the answer is hate. Born from the ashes, grown up and died. Reborn again to reach higher delight. Great seize the power, joyful the dance. It's the promise you always will fail. There is only one truth, a real state of mind. Reaching your wellness, leave it all behind. There's only one eternal fate. Forget all the questions, the answer is hate. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25 $ ou faites un don pré-radioton de 15 $ au plus avant le vendredi 5 avril 17h et courez la chance de gagner le prix pré-radioton et le prix membership d'une valeur de 150 $ chacun. Adhérez en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton PayPal. CKRL aura son radioton pour trouver les financements nécessaires qui lui permettent de continuer à se développer dans la liberté et au service de la grande communauté de Québec. Merci de soutenir votre radio depuis 40 ans. Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos clubs sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980, 1ère Avenue à Limoilou. Maintenant, à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page C'est Facebook. KRL. Québec. Alors, de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Et ce qu'on a eu juste avant la pause, c'était Néodym, un groupe de Montréal, leur troisième album, Le Guetteur, qui est paru là, à la fin de 2012. Et c'était un extrait de la pièce Espace Libre, Free Space. C'est un groupe bilingue, instrumental de Montréal. Juste avant, il y avait eu I Will, tiré de l'album There, la longue suite Métamorphosis, et on avait eu Shylock. Alors, maintenant, on se transporte au Japon. Après ça, on revient en Angleterre, on passe par l'Italie. Pour le dernier bloc musical, d'abord, les Japonais. Un groupe du nom de Bellaphone, tiré de l'album Labyrinth. En fait, la pièce originale était tirée de Labyrinth, mais quand ça a été, ils ont fait une édition comme ça par Musea du meilleur du rock progressif japonais, il y a eu une pièce qui a été refaite plusieurs années plus tard, donc en 98, de Bellaphone, donc la nouvelle version de Labyrinth. Pour débuter le bloc musical, ça c'est une petite rareté, là, Bruno il nous sort toujours des raretés qu'on connaît à peine, puis on se dit « Oh wow, c'est bien bon ». Ensuite, Singularity, des États-Unis, Of All the Mysteries, et la pièce Smile, et on terminera avec les Italiens, Divae, l'album Determinazione, et maintenant le titre de la pièce, ce qui est toujours un défi à chaque fois, Regina delle Fate. Alors, allons-y tout de suite avec les Japonais, Bellaphone. We'll be right back. Thank you. stands before my eyes. My eyes behold one more lifetime. Lifetimes are broken upon this day. Death and misery seizing the day, spreading like a disease of sin and apostasy. Someone must pay for sins of the fathers, and mothers are raising their families, teaching them carefully not to forget the day breaking the bodies of watering eyes could see. I see it so clearly. Do not forget the day breaking the bodies of eyes could see. Eyes could see. I see it so clearly. I see it so clearly. I see it so clearly. I see it so clearly. I see it so clearly. I remember his smile. Thank you. candida nei gesti suoi, il sorriso enigmatico, sui occhi di smeraldo mi danno sgomento, che sia l'amore, quell'amore in tanti baci cercato, in tanti baci perso, la mia mano come l'aria, leggera sarà. Diva E de l'Italie, un album seul réalisé par ce groupe, Determinazione, et c'était la pièce Regina delle Fate. Alors c'est ce qui termine l'émission Terra Incognita en ce 23 mars 2013. On vous parlait aussi, je voulais vous rappeler qu'il y a RPWL qui va faire un spectacle supplémentaire le 20 mai 2013, juste après la convention Terra Incognita. C'est au Centre d'art La Chapelle, les billets sont en vente. Un spectacle complètement différent de ceux qu'ils offriront le samedi, le 18, alors qu'ils seront dans cette journée où on pourra voir Fido et The Tea Club. C'est à ne pas manquer RPWL et plein d'autres spectacles qui s'en viennent, mais on vous en parlera dans les prochaines émissions. Alors c'était pour cette édition Bruno à la mise en onde et au choix musical, et Marc avec vous comme d'habitude, et on est toujours content de vous offrir des belles émissions. Soyez sur les ondes de CKRL encore pour de la bonne musique qui continue avec l'autoroute dans quelques instants. Alors on vous souhaite une bonne semaine, à bientôt. Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi! Le Radioton spécial 40e anniversaire de CKRL arrive à grands pas. Et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par La Barberie, la boîte à pain Café Napoli et le Bal du Lézard. Ici Jean-Paul Lallier, président d'honneur du 40e anniversaire de CKRL. Comme à chaque année, CKRL aura son Radioton pour trouver les financements nécessaires qui lui permettent de continuer à se développer dans la liberté et au service de la grande communauté de Québec. Ne manquez pas cet événement les 5, 6 et 7 avril prochains.